pour mes gars fiables, mes gars sûrs, les vrais sur qui je peux compter. Tous ceux qui m'aident à monter, supporters, supportrices qui partagent de bon cœur. Loin des faux rappeurs du moment et des pompeurs. Lui, je kiffe le rap, donc je pratique avec honneur. Et comme tout être humain, bah des fois je pense à mon heure. Il faut que je croque la vie, en même temps faut que je me repentisse. Putain, c'est la crise, ça pue la pisse dans nos bâtisses. L'État nous a rendu cons, on s'est laissé avoir doublement. Le pouvoir est dangereux, cause de gros troublements. Trop de crasse dans ce monde, faut que je fasse autrement pour m'en sortir. Éviter les orties, situation sordide, mais beaucoup s'en foutent. La terre court à sa perte, le futur est plus que flou. Ils veulent tous un buzz de fou et fourrer des bêtes de fou. Moi j'ai grandi sous la foudre, aucun avalage de foudre. Quand je dis moi, je parle de vous, car c'est eux contre nous. Sache que le porc ne sait pas ce que c'est d'avoir le ventre mou. Ce qui veut dire que trois quarts du temps on est seul. À lutter, on essaye de garder notre sang-froid quand vénère la scène. Très peu de gens sincères, n'est-ce pas? Le ministère a de la cesse qui transite en Espagne. On nous accuse, mais chez nous y'a pas d'hélico que d'abeu de Madinina. Les bâtards qui nous dirigent ne sont que des bandits minables. Ça mitonne à tout va dans tous les recoins du globe. Le taux de meurtre monte en flèche comme le prix d'une clope. Un mouchard près du col, combien sont prêts à me trahir? Je vis sans garde du corps, fais la guerre aux faux entrées. À part ça, rien de terrible, ma place ne fait que périr. Mon rap n'est pas payé, même si c'est plus qu'un délire. À part ça, rien de terrible, ma place ne fait que périr. Mon rap n'est pas payé, même si c'est plus qu'un délire. Les plus gros gangsters portent des costards. Fiers de nos rimes, nos frères font des ghostards. Sors de la mine, même dans le doute, ne lâche pas ce que tu dois faire. N'écoute pas celui à qui tu crois plaire. Ne crois pas Blair, Tony, ni Montana, Anatomy. Tu veux une carrière, mon con Anatomy. T'as mal commis, condamnable à chaque seconde. J'suis pas mal comme chope la bouée, tu vas te noyer dans l'alcool. J'vous déteste tellement, j'ai oublié de vous haïr. J'vous écoute pas, mais j'vous entends déjà pâlir. J'vous redoute pas, mais j'vous ai vu me salir. Juste ressentir mes mots et leurs mots salir. Ils voudraient me crever les yeux, en perdre l'usage de ma vie. J'mets du collier pour voir ma fille et son futur d'écolière. J'ai préféré m'éloigner de la civilisation. Revendiquer, faudrait envoyer la civilisation. Faire preuve de fair play sans leur faire payer. Le Sistra existera parce que l'homme est mauvais. Faut-il être fair play quand des hommes te poussent à bout? Faut-il être fair play quand des hommes te foutent un coup? Faut-il être fair play quand ton rap te coûte le fou? Fair play quand le vôtre en fout, pas fautif de vos kiffs. T'es révolutionnaire, tiens, prends les armes et lâche-moi. T'es manutentionnaire, prends ton courage et fâche-toi. Ce que le monde vit est son destin entaché. Nos rimes nous conduit, son petit défaite est un temps gâché. J'veux pas de discours victimaire de style primaire. Qui croit que la ville ignore peu, surtout s'il ignore Dieu. J'veux pas finir ignare vieux sur un portrait. Me porterai mieux que ces porcs ou quitterai leur vie par vœu. Pas finir ignare vieux sur un portrait. J'me porterai mieux que ces porcs ou quitterai leur vie par vœu.